Tout à l'heure. Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. C'est l'histoire de trois amis qui, au milieu des années 1970, alors qu'ils avaient une vingtaine d'années, ont eu envie d'aller dans l'Himalaya à la rencontre d'un peuple mystérieux dont on ne savait pas grand-chose, les Kalash. Cette communauté qui vit au nord du Pakistan est très différente des populations alentours. Elle ne partage pas la culture et les croyances des autres habitants de la région. L'origine même de ce peuple aux traits européens est incertaine. Lorsque nos trois amis sont allés à la rencontre des Kalash, ils ne se doutaient pas qu'ils s'engageaient dans une aventure de 15 ans. Cette rencontre a bouleversé leur vie, ils se sont pris de passion pour cette communauté. Les nombreux séjours qu'ils ont effectués chez les Kalash leur ont permis de mener un travail d'ethnologue et de rédiger les premiers ouvrages sur la culture et les traditions de ce peuple sans livre dont la langue n'est qu'orale. Cet après-midi, nous partons bivouaquer sur les contreforts himalayens à la rencontre du peuple Kalash avec Jean-Yves Loude, l'un des trois protagonistes de cette formidable aventure ethnologique. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait, alors ça vous dit de faire un tour, allez-y. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Jean-Yves Loude. Bonjour. Vous êtes ethnologue et écrivain. Vous avez effectué plusieurs expéditions avec Viviane Lièvre et Hervé Nègre entre 1976 et 1990 au Pakistan pour vivre avec ce peuple Kalash. Vous racontez cette aventure dans une bande dessinée intitulée Fêtes himalayennes, les derniers Kalash aux éditions La Boîte à Bulles, ouvrage qui tient lieu de catalogue pour l'exposition actuellement présentée au Musée des Confluences à Lyon. Fêtes Himalayenne. Vous allez nous raconter ce que vous avez appris de ce peuple en le côtoyant et en partageant son quotidien. Et puis vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, nous nous intéresserons au fromage de nos régions et d'ailleurs avec un spécialiste François Robin et notre sociologue de l'alimentation Éric Birloez. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Juliette Soudara. Des chants que le peuple Kalash entonne lors de la fête du printemps, appelée Joshi. C'est une fête importante à laquelle vous avez assisté et vous y avez même participé, Jean-Yves Loude. Oui, plusieurs fois, puisque chez les Kalash, Viviane et Hervé et moi, nous avons passé chaque saison deux fois, donc qui nous a permis de comprendre le cycle de la vie et de la pensée des Kalash. Et le Joshi, la fête de printemps qui se tient à peu près à la mi-mai, qui est une fête de remerciement parce que les feuilles sont de nouveau déployées, les feuilles des arbres, les fleurs, le genêt est là. Et donc, on peut remercier les dieux et les esprits de la nature d'avoir réveillé les forces et de permettre au peuple de croire en son destin. Les fêtes sont très présentes hein, dans cette communauté, dans cette société, d'où le nom de cette exposition au Musée des Confluences de Lyon, Fêtes himalayennes, les derniers Kalash. Alors elle présente les documents que vous avez collectés au cours de ces nombreux séjours, de ces huit séjours, entre 1976 et 1990, avec ses deux compagnons, donc Viviane Lièvre et Hervé Nègre. Où vivent-ils les Kalash exactement ? Alors, les Kalash vivent exactement à 300 miles au nord de Peshawar et à la frontière avec l'Afghanistan, un territoire réduit à trois étroites vallées qui s'appellent Rumbur, Bumburet et Birir. Les trois vallées mènent en Afghanistan. Une journée de marche leur permet aux Kalash de passer dans la frontière et de rejoindre les anciens Kafirs, aujourd'hui appelés Nouristani. Car les Kalash aujourd'hui représentent un isolat. Oui, ouais. Ils ne sont pas bouddhistes, ils ne sont pas hindouistes, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Ils représentent la dernière société dont la pensée est structurée par le chamanisme. Ouais. Mais il ne faut pas imaginer un isolat. Autrefois, toutes les sociétés qui étaient autour des Kalash, les voisins, avaient des langues et des croyances très très très voisines. Mmh. Il se trouve que seuls les Kalash ont résisté dans leur mode de vie et de pensée jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. Ce sont les rescapés d'une culture quasiment disparue dans la région, c'est ça? Alors oui, disparue même brutalement, puisque à la fin du XIXe siècle, à l'ouest des Kalash, il y avait ce fameux Kafiristan dont parle un certain écrivain anglais qui s'appelle Rudyard Kipling. Et ce Kafiristan représentait la terre des kafirs, des non-croyants de l'islam, une société polythéiste, à chamanisme, et qui était une civilisation extrêmement importante, avec des temples, avec des colonnes, avec des dieux, des représentations. On ne savait rien d'eux, mais à la fin du XIXe siècle, l'Angleterre a autorisé l'Afghanistan à se créer comme un royaume indépendant, faute d'avoir réussi à s'implanter pendant un siècle, c'est pas Dieu, que l'Angleterre n'a pas essayé de s'implanter en Afghanistan. Le premier roi de Kaboul, l'émir Abdurrahman, s'est dit « Moi, nouveau roi, j'ai à ma frontière avec l'Empire des Indes une peuplade bien trop dangereuse, indépendante et guerrière, il faut que je la réduise. Ouais. » Personne n'y était arrivé, lui a attaqué en hiver et a surpris les kafirs et les a entièrement détruits. Ouais. Ce qui fait que reste seul kafir à la fin du 19e, tout le 20e siècle, les Kalash, qui étaient de l'autre côté de la frontière créée entre l'Afghanistan et l'Empire des Indes. Ce sont les derniers survivants de ce peuple kafir. Alors, ils sont combien aujourd'hui, les Kalash? Aujourd'hui, les statistiques évoluent entre 3500 et 4000. Kalash, parlant la langue Kalash et croyant dans les diagnostics et les révélations faites par leurs différents chamans. Ouais. Alors, ça représente 0,002% de la population pakistanaise. Ils sont en ultra-minorité dans leur pays. C'est ça, une ultra-minorité, mais il faut bien savoir que le Pakistan s'est créé en 1947 sur la notion de minorité, puisque les musulmans étaient minoritaires dans l'Inde, de l'Empire des Indes, et le Pakistan s'est créé avec cette volonté de respecter les minorités, et les Kalash en font partie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné à vous, Jean-Yves Loud, avec vos deux compagnons de route, alors que vous aviez à peine 25 ans, au milieu des années 70, d'aller à la rencontre de ce peuple Kalash? Mais il faut vraiment revenir à cette époque des années 70, c'est juste après les guerres de décolonisation. Les frontières se sont ouvertes et nous, jeunes Européens, nous avions envie de voyager, mais non pas pour prendre l'énergie ou les richesses des autres qui sont dans le sous-sol. On voulait rencontrer les autres. Je crois qu'il n'y a pas d'autre meilleure définition du voyage que de marcher vers l'humain. Et à cette époque-là, on voulait rencontrer ce qui faisait la plus grande différence. Alors, on avait voyagé au Yémen, au Mali, en Haïti. On voulait voir l'ailleurs le plus différent de nous. Et puis, voyageant sur la route des Indes, on entend parler des Kalash. Bien sûr, ce peuple n'est pas totalement inconnu. Oui, on a lu Rudyard Kipling, l'homme qui voulut être roi, ce fameux roman où il met en scène les sociétés kafirs avant leur disparition. Ouais. Et puis, on avait lu un auteur qui nous plaisait beaucoup, qui travaillait dans l'Himalaya au Népal, qui s'appelait Corneille Geste, et qui avait fait un véritable livre d'ethnopoésie, d'ethnolittérature. Et quand on a lu ce livre qui s'appelle Tarap, une vallée dans l'Himalaya, on s'est dit, un jour, notre rêve, ce serait de rencontrer un peuple et de pouvoir écrire comme Corneille Geste l'a fait. Alors, on a décidé de partir en 76 pour voir les Kalash. Ouais, alors, il y a effectivement la littérature derrière tout ça. Il y a ce livre de Kipling dont vous parlez, ce roman où il lance deux aventuriers britanniques à la conquête du pays des redoutables kafirs dont vous parliez, qui ont ensuite été exterminés à la fin du 19e siècle. Aucun Anglais n'a encore posé le pied. Le récit mouvementé fut adapté par le cinéaste hollywoodien John Huston avec Sean Connery et Michael Caine, extrait de ce livre « L'homme qui voulait être roi ». Voilà un an que nous dormons sur notre idée. Nous avons eu besoin de voir des livres, des atlas, et nous en avons conclu qu'il n'y a qu'un pays au monde où deux hommes à poigne puissent faire leur petit Sarawak. Cela s'appelle le Kafiristan. À mon idée, c'est dans le coin de l'Afghanistan, en haut et à droite, à moins de 300 milles de Peshawar. Ils ont 32 idoles, les païens de là-bas. Nous en ferons bien 33. C'est un pays montagneux. Et les femmes, de ces côtés, sont très belles. Mais vous vous ferez tailler en pièces, passer la frontière. Il vous faudra traverser l'Afghanistan pour arriver dans ce pays-là. Et ça n'est qu'un fouillis de montagnes, de pics et de glaciers que jamais Anglais n'a franchi. Les habitants sont de parfaites brutes. Et en admettant que vous arriviez à eux, ils n'auraient rien à faire. C'est la lecture de ce roman, c'est aussi le film, l'adaptation au cinéma, qui a allumé aussi votre imaginaire de jeune étudiant que vous étiez à cette époque, Jean-Yves Loud, avec Viviane Lièvre et Hervé Nègre. Oui, entre autres, l'histoire de Kipling termine très mal, hein, ça termine très mal. Les deux héros en perdent la tête, l'un carrément coupé et l'autre devient Mahboul, complètement fou. Ouais. Et bien nous trois, nous avons aussi perdu la tête et à la lecture de ce livre, on s'est dit... Il faut qu'on aille voir les derniers kafirs de cette région, qu'on appelle les Kalaches, sur lesquels on ne savait pas encore grand-chose. Alors, c'est un pari, comme les deux héros, comme Daniel et Pitchy, c'est ainsi qu'ils s'appellent, on s'est tapé dans les mains et on a décidé d'aller voir les Kalaches, de passer un mois de reconnaissance chez les Kalaches. Au départ, ça n'est que pour un mois. Vous partez donc sur les contreforts de l'Himalaya, à la rencontre de ce peuple isolé. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous partez? Vous avez conscience que c'est le début d'une aventure qui durera 15 ans? Non, pas du tout, pas du tout. On est dans la découverte, la curiosité, on va vers le plus extrême, le plus lointain. Et puis... on vit ce mois de d'août 1976. Les Kalaches nous acceptent parce que on ne fait pas partie de ceux qui les encerclent, qui les harcèlent au quotidien. Mais il comment se passe la rencontre quand vous arrivez? Mais avec le langage des signes, le sourire, la bienveillance, on n'a pas d'autres moyens. On a l'envie. Les Kalaches, voyant venir des gens d'ailleurs, les acceptent parce qu'ils se disent bon, le regard qu'on porte sur nous sera toujours utile. Ils rapporteront l'idée que on existe. Ça, on va le découvrir bien plus tard. Mais cette année-là, il nous laisse vivre. Mais l'image fondamentale, c'est que la nuit, on couchait sur la prairie à ce moment-là. Et dans la nuit, on entend des sons de tambour répétitifs qui semblent venir du sommet du plus haut village de la vallée, le village de Grom. Alors on se lève précipitamment, on monte à travers les maisons qui sont comme des cubes sur une montagne et on arrive au sommet. Là, des femmes dansent en ligne serrée avec les coiffes de coquillages qu'elles portent sur la tête. Il y a des crolos, ça tintinabule. Il y a deux tambours, il y a des voix qui tournent. Et à ce moment-là, je vous le jure, la lune, la pleine lune s'est levée sur les crêtes. J'avoue que nous ne sommes pas remis de cet instant-là. On a vécu la fête de l'été qui remercie là encore les divinités et les esprits de la nature d'avoir donné des cascades de lait, c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire le fromage, c'est-à-dire la sécurité. Et on assistait à cette fête. Les Kalaches nous ont permis de voir les cimetières où il y a les grandes statues effigies à tête de chevaux ou les hommes droits près des coffres qui n'étaient pas enterrés à cette époque-là. Car les Kalaches disaient « Dieu nous a créés sur terre, pas question de finir sous terre ». Alors là, vous nous livrez avec beaucoup de passion tout ce que vous avez découvert et au départ, vous le dites, on n'y a rien compris. Vous êtes à la fois fasciné et à la fois cette culture vous dépasse totalement. Mais oui, il y a aussi l'habit des femmes Kalaches, les grandes robes noire, la ceinture blanche, les kilos de colliers sur la poitrine et ces deux coiffes ornées de coquillages, ces chants, les sacrifices d'animaux, on a vu, on a assisté, on a observé et puis au retour on s'est dit on n'a rien compris et là c'est plus possible. C'est plus possible que l'on passe dans le monde sans rien comprendre des autres. Et là les Kalaches ont été le point déterminant. Nous avons tenté de trouver de la documentation pour expliquer ce que nous ne comprenions pas. Il n'y avait pas de livre en 76-17 et cette absence de livres, cette absence de réponses à nos questions, pourquoi un peuple comme les Kalaches vivent-ils ainsi, si différemment à la fin du XXe siècle? Alors, tous les trois, nous avons, d'un commun accord, décidé de laisser nos travaux respectifs et d'aller vivre chez les Kalaches pour faire le premier livre jamais écrit sur ce peuple. Vous allez nous raconter les voyages et les longs séjours que vous avez effectués chez les Kalaches, les liens très forts que vous avez noués avec cette communauté. Est-ce que vous avez compris des croyances et de la culture de ce peuple? Et les questions des auditeurs arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Mera veer de hai dam dam ali ali, mera veer de hai dam dam ali ali. Sahilal kalandar mast mast Sahilal kalandar mast mast Julelal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast Mera wird hai dam dam ali ali Mera wird hai dam dam ali ali Sahilal kalandar mast mast Sahilal kalandar mast mast Julelal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast dam mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast C'était Must Must, Nosrat Fateh Ali Khan sur France Inter, le temps d'un bivouac. Les villages sont accrochés sur des pitons, la vallée est très enserrée, un V très serré. Là, les champs sont rares, puisqu'il n'y a pas de culture en terrasse. Et les maisons sont accrochées un peu à flanc de montagne, et on les remarque de très loin, parce que les toits ne sont presque pas finis, il y a des grandes poutres qui dépassent un peu, comme pointées dans un élan arrêté. Elles sont faites de madriers de bois, de pierres sèches. Et les toits donc servent de terrasse. La végétation est assez rase. Et un peu plus haut, on voit des épicéas, des pins. L'herbe est peu présente. La voix de Hervé Nègre sur France Culture en 1980, l'un de vos compagnons de route, Jean-Yves Loud, avec lequel vous vous êtes rendu de nombreuses fois chez les Kalash, ce peuple qui vit sur les contreforts de l'Himalaya, au nord du Pakistan, non loin de la frontière avec l'Afghanistan. Alors Hervé Nègre décrivait de façon très douce les maisons et les montagnes autour. On sent qu'il est photographe et dessinateur dans sa façon d'embrasser le paysage. Qu'est-ce que vous ajouteriez à ce paysage qu'il vient de décrire ? Oui, c'est un paysage qui est défini comme un paysage en brise-lames. Donc la vallée est cassée, cabossée, et chaque fois il y a les méandres des torrents qui sont brutaux, hein, qui circulent dans ce paysage très difficile, très austère. Et les villages s'installent sur les pitons parce que l'on ne peut pas prendre sur les petites surfaces planes qui sont réservées aux champs. Donc toutes les maisons s'escaladent les unes les autres. C'est un escalier, c'est comme un escalier qui monte jusqu'au sommet. Et c'est au sommet qu'il y a les fêtes sur le toit des villages. Alors quand vous retournez pour la deuxième fois voir les Kalash, nous sommes donc en 1978, hein, vous nous l'avez expliqué, vous y allez avec l'idée en tête de vraiment écrire ce premier livre sur la culture Kalash, hein, vous avez abandonné vos études, tout le reste de vos activités, vous vous y consacrez entièrement. À chaque fois c'est un long voyage, hein, c'est-à-dire que on n'y accède pas facilement à cette région où vivent les Kalash, c'est plusieurs jours dans la montagne. Oui bien sûr, en 76-78 et les hivers 80 et 82 que nous allons passer, il n'y a pas de route pour aller chez les Kalash. Le dernier village, Chitrali, les voisins des Kalash s'appellent les Chitrali, c'est Ayoun, et là, les premiers temps, il fallait 7 à 8 heures de marche, pas de chemin, passer de rocher en rocher, traverser les torrents sur un ou deux troncs, quelquefois emprunter les canaux d'irrigation qui fendent les falaises à 20 mètres au-dessus du vide. Oui, c'était pas simple d'aller chez les Kalash, mais au bout d'un moment, la vallée s'élargit, et on voit jusqu'en Afghanistan, on voit les hauts pâturages, les premiers villages, et les premières femmes qui vous accueillent avec leur voix riante. Alors quand vous revenez, 2 ans après votre premier séjour d'un mois, quand vous revenez pour écrire ce livre et pour passer plus de temps avec eux, comment êtes-vous accueilli ? Alors, très bien, parce que il y a une magie du retour. Les Kalash, on dit, on l'a perçu, on parlait pas Kalash, mais on a perçu quelques mots, quelques bribes qui disaient « Ah, ce sont eux qui étaient là il y a 2 ans et qui reviennent ». Et la difficulté, c'est que nous parlions pas la langue. À peine savions-nous dire bonjour dans la langue Kalash. Et tout d'un coup, notre chance, parce qu'il en faut dans ce type d'aventure, on entend derrière nous une petite voix qui dit « May I help you ?» Est-ce que je peux vous aider ? Une voix en anglais, on se retourne et là, il y avait un jeune Kalash de 20 ans, Saifullah Jan, qui avait pris conscience du danger dans lequel se trouve sa société et qui avait décidé de faire des études de droit à Peshawar. Et il était reparti dans la plaine, avait donc appris l'anglais pour pouvoir faire les études. Et il revenait un mois avant notre retour, il était revenu. C'était une chance inouïe, parce que Saifullah Jan, qui n'était pas d'un grand clan, il savait que c'est par l'éducation qu'il pouvait aider sa société. Au moment où la roupie pakistanaise était rentrée dans les vallées pour les échanges, avant c'était le troc ou c'était les koris qui se retrouvent sur les coiffes de coquillages des femmes, là il y a eu des voisins mal intentionnés qui sont venus avec des grosses liasses de une roupie et qui ont dit au Kalash, regarde ce que je t'amène, c'est beaucoup beaucoup d'argent, mais en échange tu vas me donner ce chêne, ce noyer, tu vas me donner ce champ. Et les Kalash ont mis un petit temps à se rendre compte qu'on les avait grugés. Ouais. Et Saifullah voulait réparer aujourd'hui encore. Les Kalash sont en train d'essayer de récupérer des champs qu'on leur a pris. Donc ce jeune homme que vous rencontrez, jeune à l'époque, il avait envie de défendre les droits de son peuple. Donc il avait été faire des études, il avait appris l'anglais. Oui. Il va vous servir évidemment d'interprète. C'est ça. Vous allez pouvoir apprendre la langue. Vous parlez aujourd'hui le Kalash ? Ah, je l'ai eu bien parlé, je m'en souviens très bien. Je peux vous saluer. Ishpata, Bayer, Maybehel, Bayer Ko. Tazagi, Rodai, Puri, Kareude, Tai Maxat, Puri, Kareude, Tai Pon, Sorum, Kareude. Ce qui veut dire, je te salue, ô mon frère ou mon cher frère, que Dieu, celui de ton choix, fasse ton chemin doré, remplisse tous tes désirs et te fasse ta force grande. Alors, petit à petit, vous allez vous intégrer de plus en plus à ce peuple Kalash. Vous le dites au début, ce sont les enfants, vos précieux alliés, parce que ils acceptent de répondre à toutes vos questions. Ils vous expliquent un peu comme un jeu leurs coutumes, leurs traditions. Alors, les enfants sont disponibles. Ils n'allaient pas tous, surtout pas les petites filles, à l'école à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est facile de faire du vocabulaire avec eux. Et puis, tous les trois, on avait une responsabilité, un rôle très précis. C'est vrai que sur les épaules de Viviane reposaient toutes les relations aux femmes, l'observation et la captation de secrets. Un homme seul chez les Kalash ne peut pas comprendre les 50% de la société. Et là, Viviane était extrêmement précieuse tout le temps avec les femmes. Hervé était photographe, dessinateur, mais aussi, il a des talents de thérapeute et de guérisseur et très vite, il s'est fait accepter par la société parce qu'il a des méthodes de pendule, de radiesthésie comme les guérisseurs Kalash. Et moi, j'ai toujours été un homme de mots, de paroles, donc très vite avec Saifullah Jan, j'ai travaillé avec le grand homme du savoir de la société Kalash qui s'appelle Kazi Roshnawaz. Kazi, c'est l'homme qui sait. Donc des heures, des jours, des semaines, des mois à poser des questions, à transcrire le Kalash, l'anglais, le français et à apprendre la tradition Kalash. Si bien que dès le troisième voyage, vous leur apportez le livre que vous avez écrit sur eux, sur leur culture. Quelle est leur réaction ? Alors là, c'était très étonnant parce que pour le troisième retour, rien n'était écrit dans notre scénario, mais quand nous avons produit le premier livre, Kalash chez Berger-Levrault, un très grand livre, très beau, plein de photos d'Hervé et de dessins, les Kalash, quand on l'a amené, on se sont rendu compte que c'était leur coutume qui était dans ce livre. Et avec ce premier livre, mais c'est surtout avec le deuxième sur les fêtes du solstice, les Kalash qui ont beaucoup d'humour et qui sont accusés depuis des décennies d'être des Djangalimouch, des gens de la jungle, parce qu'ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas la Torah, ils n'ont pas la Bible, ils n'ont pas le Coran, et donc en ont subi un malheur sur leurs épaules. C'était très dur pour eux d'être accusés sans arrêt que leur tradition ne vaut rien. Et quand ils ont vu le premier puis le deuxième livre, ils ont dit « Mais plus jamais on ne pourra dire que nous ne sommes plus, que nous sommes un peuple sans livres. Grâce à vous, nous avons des livres, notre religion est dans des livres et nous sommes même le peuple du dernier livre. Ouais. » C'est très important parce que nous avons eu la chance de partager la vie d'un peuple qui est méprisé ou qui est déconsidéré par les voisins. Or, nous qui venons d'au-delà de cette ceinture de la montagne, d'au-delà de cette pression, nous avions une bienveillance qui a intéressé les Kalash. Je peux attester que les Kalash demandaient toujours à Hervé s'il avait fini son travail de photographe, s'il avait pu prendre tout ce dont il avait besoin pour témoigner. Mmh. Et c'est vrai qu'après la sortie du premier livre, où il y avait tant de photos, là, les Kalash ont tout fait pour nous intégrer et que l'on puisse témoigner. Alors vous intégrez notamment Viviane, hein, Viviane Lièvre, qui donc a mené ce travail d'ethnologue avec vous. Elle se rapproche des femmes Kalash, elle porte leurs habits traditionnels et en s'intégrant, elle est de plus en plus soumise à la condition des femmes dans ce peuple, les femmes qui ne sont pas tout à fait libres chez les Kalash. Oui. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que notre troisième retour, c'est pour la fête du solstice d'hiver. C'est pour l'hiver. Et là, le temps est différent. Les autres fêtes sont des fêtes de remerciement, mais là, la fête du solstice d'hiver, c'est le moment le plus important de la vie Kalash. C'est là où l'on redemande aux dieux et esprits de renouveler le temps, de régénérer la société. Alors on y viendra à la fête, à la fête. Mais c'est pour l'hiver. Dire que là, les Kalash disent, nous on est contents que vous soyez là, mais vous ne pouvez pas vivre cette fête avec nous si vous êtes à l'extérieur. Or, vos habits vous isolent de nous. Donc, à partir de maintenant, vous devez obligatoirement habiter avec une famille, dans une maison, dans un village et appartenir à un clan. Et toi, ma chère sœur, dirent les femmes à Viviane, tes habits sont quand même trop vilains. Il faut que ton mari achète du tissu et que tu te fasses couper une robe Kalash. On a acheté les coiffes, on a acheté une ceinture pour que Viviane puisse vivre les rituels à l'intérieur. Nous, Hervé et moi, c'était plus facile. On avait l'habit pakistanais. Vous n'aviez pas les 3 kilos de coquillages sur la tête. Non, mais on avait le kashung ou le pakor, le béret, le bonnet de laine de chèvre obligatoire. Chez les Kalash, être tête nue pour un homme, pour une femme, est incorrect. Les femmes ne peuvent pas sortir tête nue. Alors beaucoup d'interdits hein, pour les femmes, elles sont considérées comme impures, il y a des maisons où elles doivent aller quand elles ont leurs règles ou pour accoucher, des maisons dans lesquelles elles seules ont le droit de pénétrer. Combien de temps restez-vous ici ? En général 5 jours. Mais les hommes n'ont pas le droit de venir ici. Vous n'avez pas le droit de venir ici. C'est ici que vous accouchez ? Oui, oui, juste à côté. Quel âge avez-vous ? 16 ans. Et j'ai 4 enfants. Un extrait de l'émission Faut pas rêver, diffusée en 1991. 16 ans, 4 enfants, c'est une situation courante chez les Kalash ? Oui, bien sûr, les mariages s'arrangent. Je mets des guillemets. Les petites filles ont 9, 10 ans, les jeunes garçons 13, 14. Le mariage, c'est un arrangement. D'abord, le garçon et la fille doivent être obligatoirement des clans les plus éloignés. Pour une exogamie salutaire, puisque les Kalash ont la mentalité que plus on se marie avec le lointain, celui qui fait peur. On allie les contraires, comme ça la paix régnera. Donc les parents décident des mariages. Le jour du mariage, le garçon peut ne même pas être là, la fille là. Le jour du mariage consiste à la famille du marié à apporter ce que l'on appelle le prix de la fécondité. Alors il est évalué en 5 taureaux, 10 boucs, 50 bassines, 10 fusils, 50 kilos de blé, etc. Donc on porte à la maison de la fille avec ostentation et tout le monde, toute la communauté regarde bien. Tout ça parce que il y a des histoires d'amour chez les Kalash et ce sont les femmes qui ont l'initiative du divorce. Et les divorces se font à chaque fête saisonnière. Ça, c'est le grand sujet de discussion. Qui est parti avec qui? Bien sûr, la nouvelle histoire d'amour doit se ranger dans ce cadre de l'éloignement des clans. Mais une jeune femme qui veut rejoindre la maison de son amant le fera la nuit avec des complices, elle va traverser un col si c'est une autre vallée, et le lendemain elle se retrouvera dans la maison de son amant. Là, la violence peut exister, parce que le premier mari n'est pas content. Pour que le nouveau mariage soit accepté, il faut que le nouveau mari paye deux fois le prix de la fécondité qui a été observée. Donc, les grands hommes se réunissent pour rétablir la liste des objets donnés la première fois et le multiplier par deux. Le clan du nouveau mari a un mois pour réunir tous ses biens. Et là, il y a la distribution. Tous ces biens sont réalisés sous forme de petites pierres blanches qui correspondent à un cabri, un kilo de blé, etc. Et là, c'est un des moments où la société peut être violente. Quand le divorce est arrangé, les deux, l'ancien et le nouveau mari, font un sacrifice, se serrent la main et on ne doit plus en entendre parler. Pour que vous, ethnologue, vous ayez pu assister à tout ça, il a fallu que vous nouiez avec eux des liens de confiance absolue. Parce que là, on est vraiment dans l'intimité de la façon dont se gère cette petite population. Oui, mais ça, c'est le miracle d'avoir passé deux fêtes du solstice d'hiver, d'appartenir à une famille avec qui on était en relation tous les jours, toutes les veillées. Ils nous prévenaient dès qu'il y avait un rituel en pleine nuit. On était dans un lien profond. On faisait partie de cette famille. Je donne un exemple. Quand il y avait une fête funéraire dans une autre vallée, ou même dans notre vallée, nous n'avions pas droit, Hervé, Viviane et moi, à y aller tout seul de notre fête. Il fallait que l'on prenne le cortège de notre clan. Ce sont des liens extrêmement solides. Et à partir d'un moment, quand il y a eu une fête de prestige, on m'a mis au défi aussi d'exercer mon métier, homme de savoir, donc homme de parole. On m'a dit, toi qui as côtoyé l'homme de savoir pendant des semaines, si ton savoir est seulement dans ta tête et qu'il ne sort pas par ta bouche, ton savoir ne sert à rien. Autrement dit, on vous a dit de formuler une louange comme le font les hommes dans ce peuple. Vous n'avez pas pu vous défiler, vous avez été obligé de faire ça. Oui, parce que chez les Kalash, c'est quand même beau. Un homme n'est riche que de ce qu'il a dépensé pour les autres. Ouais. Ça permet de réfléchir. Ouais. Un homme qui considère qu'il est riche peut, au début du mois de novembre, dire à toute sa communauté, plus à ses amis musulmans, je vous invite pendant 3 jours et 2 nuits. Mmh. Et je me ruinerai pour vous et pour la satisfaction des dieux. Mmh. En échange, quand il n'a plus rien, on dit qu'il est riche. Bien sûr, il a du prestige. Bien sûr, il va rejoindre le conseil des anciens. Mais en échange, il ne reçoit, je veux dire, que de la poésie. Il reçoit des louanges poétiques, métaphoriques, qui lui sont criées au visage par les gens d'un autre clan que lui. Mmh. Et on m'a dit, ben voilà, toi, tu dois faire une louange à cet homme. Ouais. Et je me suis un peu défilé, j'ai fait une louange à un moment où il y avait personne, mais tous les assistants sont revenus et m'ont dit, mais il paraît que tu as louangé, on n'était pas là, donc demain pour le dernier jour, quand il y aura tout le monde, tu dois louanger. Ouais. C'était un défi, je l'ai relevé, j'avais le droit d'écrire. Et là, il y avait plus de 1000 personnes, la neige tombait. Je me souviens des feuilles qui tremblaient dans ma main, puisqu'il fallait que je crie « Ashabashtai Rasumbala Nawalas Atia !»« Ah, je te salue, toi, grand descendant des Sumbara !»« Taiwawas Gonamuch !»« Tes ancêtres étaient des grands hommes, Bo Birar Nashinde !»« Ils ont tué beaucoup de Markor et de Bouxin dans la montagne, etc. » Et l'homme peut en pleurer d'émotion. Là, il m'a revêtu d'un manteau d'honneur qu'on peut voir au musée de Confluence, dans une vitrine. Ouais, un moment qui vous a marqué. Visiblement, oui. Vous vous en souvenez encore. Sans les feuilles devant vous, vous avez encore en tête cette louange que vous avez dû formuler publiquement. L'ethnologue Jean-Yves Loude nous emmène le temps d'un bivouac sur les contreforts himalayens à la rencontre du peuple Kalash cet après-midi sur France Inter. Summertime. microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. C'était Doin Time, Lana Del Rey sur France Inter. Tu les connais déjà, mes histoires, non? Quelles histoires? Le festival d'hiver est le plus sacré. C'est une longue période de purification et d'initiation. Dès demain, on va tous prier et ne pas dormir pendant 3 jours. 3 jours. Jusqu'à l'arrivée de la divinité. D'habitude, je dors. Certains dorment, d'autres pas. Mais personne ne devrait dormir pendant ces 3 jours. Il faut veiller jusqu'à la venue du divin donateur Balimain. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas dormir pendant 3 jours. Et voilà une nouvelle fête himalayenne qui se profile chez les Kalash. Fête himalayenne, c'est le titre de votre bande dessinée Jean-Yves Loud aux éditions La Boîte à Bulles et Musée des Confluences. C'est aussi le titre de l'exposition qui se tient actuellement au Musée des Confluences à Lyon, dans laquelle on présente tous ces documents que vous avez amassés pendant 15 ans au contact du peuple Kalash. En l'occurrence, là se prépare la fête de l'hiver. Nous étions en 1982 lorsque vous retournez chez les Kalash précisément pour participer à cette fête qui est peut-être l'une des plus importantes chez les Kalash. Ah, c'est là que la vie se rejoue. C'est fondamental, la fête du solstice d'hiver, mais ce le fut aussi chez nous. C'est un peuple de l'hémisphère nord, c'est un peuple qui est confronté aux mêmes angoisses que nos ancêtres, paysans, agriculteurs, éleveurs. La terre est ruinée, les nuits sont longues, le soleil décline, on a peur de la nuit et de la mort. Et les Kalashs ont inventé au cours des temps, grâce aux révélations des chamans, un scénario festif qui est destiné à réveiller le soleil, à le faire sortir de sa maison d'hiver, à le relancer vers le solstice d'été, à réveiller la nature, à accueillir le grand dieu de lumière, à communiquer avec les morts, à refaire les liens avec les clans. Et c'est une grande fête de générosité. Elle commence par la lumière. On allume un grand brasier de corbeilles usées qui représente le temps écoulé. Et dans ces corbeilles usées, eh bien, on jette en pensée tous les mensonges, les trahisons, les lâchetés. On n'a pas besoin de s'en embarrasser pour le temps nouveau. Et à partir de ce moment-là, au moment précis où il y a le premier brasier qui attaque la nuit, les femmes, généralement réservées, se déchaînent. Elles se déchaînent et du poing, du geste, de la voix, elles accusent la maigre virilité des hommes, faiblardes. Elles disent des choses horribles comme « Taipindoro, Tayamula, Vista, Lawak, Pichtepara » et ça continue. Ouais. C'est des choses épouvantables que je ne peux pas traduire. Non. Mais elles attaquent la virilité des hommes d'en face. Tout ça est fait avec humour. On ne doit pas se fâcher. Mais non, c'est du théâtre. C'est cathartique. C'est pour se purifier. Et c'est pour faire plaisir au dieu Balumain qui va venir pour le jour du solstice, pour les trois jours du solstice. Et le dieu Balumain, il veut voir que les Kalashs ont confiance en lui. On ouvre les greniers. On sort les meilleurs ingrédients pour s'échanger, pour faire des offrandes, et les chants grivois, les prières qu'on lui adresse font partie de la dépense d'énergie qui montre que la société a confiance. Et la société va demander au dieu de tout régénérer, et pour cela, eh bien, on dépense tout. Mais regardez chez nous, au moment où les Kalashs allument des brasiers, eh bien nous on met des guirlandes pour chasser les ténèbres, on s'échange des biens pour renforcer les clans familiaux, on fête les morts à la Toussaint, et il y a le carnaval à Mardi Gras, et les Kalashs, eux, concentrent tout en un mois, et on a eu de la chance de vivre deux fêtes d'hiver, où les Kalashs pouvaient nous expliquer le sens de tous les jours qui se déroulaient. Deux jours après la fausse dispute entre les hommes et les femmes, vient une autre fausse dispute entre les jeunes filles du haut et du bas de la vallée. C'est le jour du point brandi. Un des premiers matins de fête, les adolescentes se regroupent en deux camps, de chaque côté du torrent. Elles passent la journée entière à s'invectiver, se railler, se provoquer. Les filles des clans de l'amont contre celles des clans de l'aval. Les paroles sont franchement obscènes. Cette lutte, chantée et dansée jusqu'à l'épuisement, libère les tensions latentes entre le haut et le bas de la vallée. Par jeu, les fillettes improvisent des insultes. Elle simule des conflits entre les deux divisions ancestrales du territoire pour éviter qu'ils éclatent réellement. À cette époque de l'année, les injures sexuelles ont aussi pour but de stimuler les forces déclinantes de la nature. Et pendant que les jeunes filles se traitent de tous les noms, les adultes, eux, échangent des grandes quantités de nourriture. Enfin, elles insultent surtout leur futur mari. Oui, c'est ça qui est le plus drôle quand même. par les fillettes interposées, elles insultent la partie de la vallée où elles vont être obligées de se marier. Elles insultent les hommes de l'autre bout de la vallée et elles devront épouser les hommes de l'autre bout de la vallée. Les fillettes de Laval insultent les clans de l'amont et vice-versa. Ouais. C'est catastrophique. C'est libérateur et ça fait du bien, paraît-il. Nous, bien sûr, on a chaperonné les filles de notre village. On les a ramenées le soir, blanches de poussière, éraillées. C'était extraordinaire à vivre. Le but de ces fêtes, c'est d'assurer la cohésion du groupe, d'apaiser les éventuelles tensions. Et puis, il y a aussi cet attachement au rythme des saisons. Il faut s'assurer que les beaux jours reviennent. Oui, il y a aussi une question de survie après la mort. Les Kalashs pensent le temps cyclique et pas linéaire comme nous. Quand il y a eu un conflit, on le répare aussitôt, parce que s'il y a conflit, c'est comme un tissu qui est déchiré. Il faut que la société entièrement fasse tout pour le réparer. Si bien que, avec cette fête du solstice qui répare tout, un homme qui meurt chez les Kalash n'a pas de culpabilité. Il est absolument tranquille dans son âme et les Kalash voient les morts partir vers une maison dorée de l'après-vie au sommet de la plus haute montagne. Un des drames des Kalash, c'est la notion d'enfer qu'on a colporté, qu'on a essayé d'instiller dans leur mentalité et qui les rendent apeurés, effrayés. Les premières conversations de veillée avec notre pauvre Kalash étaient confrontées à ça. Comment expliquer l'enfer? Tu crois l'enfer, mon frère? Est-ce que tu crois? Qu'est-ce que c'est que l'enfer? On nous a dit qu'on finirait sous terre si on ne se convertissait pas, alors que nous, on pense plutôt à l'élévation. Donc, toute cette fête a un sens, ça rassure la société, et l'obsession de la société Kalash, c'est de se multiplier. Elle a bien conscience d'être une hyper minorité. Tout est basé sur une abstinence sexuelle qui va avoir lieu quand le dieu arrive au moment du solstice. Les hommes et les femmes dorment séparément pendant 7 jours pour préparer des coïts féconds. Nous allons nous intéresser à la place des chamans dans la société Kalash avec notre invité l'ethnologue Jean-Yves Loud dans un instant. De la base au sommet, il n'y a quelques phrases, je fais mine comme tout le monde de croire que ce qui compte, présenté en façade, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. Homme ou femme, je ne vois caché derrière un mur de données. Je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je fais mine de mille feux m'illuminer, même si juste derrière, sans doute des déserts. Ces voix anonymes pour dissiper le spleen, je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je me fie aux apparences, même si juste derrière, sans doute des déserts. En cascade. À l'unisson, je fais illusion. Je ne fais allusion à rien de digne de ce nom. De multiples intentions dédiées au son de ta voix. Jérôme Minière chantait Cascade sur France Inter. Hey hey Seul le chaman voit les faits. Lui seul peut communiquer avec les esprits. C'est toute une histoire. Le chaman s'assied parmi les faits et les esprits qui l'instruisent. Il n'y a que lui qui puisse parler avec ses âmes. Un homme ordinaire se laisserait posséder par eux. Les chamans ont une importance toute particulière dans la culture et l'organisation du peuple Kalash avec lequel vous avez travaillé, Jean-Yves Loud, en tant qu'ethnologue. En quoi est-ce originale la position de ces chamans? Je crois que l'importance capitale des Kalash, c'est qu'ils représentent un des derniers peuples achamans de notre planète. C'est un chaînon manquant qui nous permet de passer du monde iranien au monde indien. C'est un monde préservé où le chamanisme est archaïque dans une société moderne, hein, j'entends bien. Mmh. Un chaman, c'est dans cet état-là un réparateur de malheurs, un réparateur de désordres. C'est lui qui interroge les dieux et les dieux parlent par sa bouche pour expliquer pourquoi la société est malheureuse, pourquoi il y a eu des épidémies, des épisodies, on a perdu la guerre ou la neige est tombée sur le blé mûr. Le chaman, c'est celui qui va aussi demander aux esprits de la nature qui possèdent les animaux sauvages le droit à la chasse, à prélever. Le chaman, enfin, c'est celui qui permet de transformer un assassinat, un meurtre, tuer un bouquetin qui vous appartient pas, c'est un meurtre, en un contrat d'alliance avec les fées et les esprits de la nature. C'est un être indispensable à la société. Indispensable, sauf que le dernier chaman du peuple des Kalash est mort en 2002. Alors, on en vient aux questions des auditeurs qui arrivent en ce sens. Thomas qui vous dit, les Kalash vivent-ils toujours selon leur tradition ancestrale ou se sont-ils adaptés aux mœurs contemporaines? Ou encore Maud qui vous dit, le peuple Kalash est-il amené à disparaître un jour? Alors, il est évident que tout ce que l'on vient de dire pendant cette heure ne représente plus la réalité d'aujourd'hui. Les Kalash ont sans cesse tenté d'adapter leurs traditions à l'environnement qui les oppresse et qui les harcèle et qui leur demande de changer. Alors les Kalash ont eu un talent fou à louvoyer, à adapter leurs croyances, leurs mots, leur vocabulaire, leur scénario festif. Non, aujourd'hui les Kalash subissent plusieurs types de pressions. Bien sûr la pression directe à « tu es un homme de la jungle, tu seras jamais mécanicien, t'es un jeune, ta tradition est pesante, convertis-toi à l'islam ». Il y a des mariages d'amour, il y a le fait que les valets Kalash ont servi de passage pour les Mujahidines et les exilés afghans, gens qui n'avaient pas toujours de la sympathie, de l'empathie pour les Kalash. Il y a eu des souillures de sanctuaires, des statues qui ont été mutilées. Et il y a pire aujourd'hui, c'est qu'on a logé ces exilés afghans, on a coupé les arbres pour les loger, pour les nourrir, pour les chauffer en hiver. On a pris le bois dans les vallées Kalash, sans leur demander leur avis et sans payer les royalties. Et depuis 2010, avec le changement climatique, des grandes intempéries se sont abattues sur l'Himalaya. Les tempêtes, les inondations ont coulé dans les vallées Kalash, emportant les ponts, les moulins et les falaises sur lesquelles reposaient les champs. Et donc, toute cette abondance dont on a parlé, de fromage, de lait, de pain, aujourd'hui est difficilement continuable. Et on a même vu des Kalash pour des fêtes de funérailles très, très, très, très dispendieuses aller acheter du blé dans la vallée de Chitral pour pouvoir assumer la tradition. Aujourd'hui, 40 jeunes Kalash parlent anglais, font des études de droit ou servent dans des ONG pour la santé. Les fêtes continuent, mais les jeunes ne comprennent pas forcément les mythes qui ont fondé leur rite. Et dernier point grave, il y a beaucoup de touristes pakistanais qui viennent voir les femmes Kalash à visage découvert, qui font des selfies et qui lancent des fake news sur les Kalash. Et ça, c'est très dommageable et c'est une pression supplémentaire. En 30 secondes, quand vous y êtes allé pour la dernière fois, on était en 1990, vous n'y êtes plus jamais retourné depuis, pour quelle raison? Parce que nous avons été entraînés dans une autre aventure de témoignage sur ceux qui n'ont pas eu le droit à la parole dans l'histoire officielle. Les Kalash nous ont appris à témoigner de ceux qui n'ont pas eu la parole. Les Kalash, chaque fois que nous partions, nous disaient « Allez !» Allez dire chez vous que nous existons, allez dire que nous avons le droit de vivre selon notre mode de vie. Nous sommes pas retournés, on s'est beaucoup posé la question, nous avons écrit 4 livres sur les Kalash, on a parlé des Kalash toute notre vie. Avec l'exposition au musée des Confluences, nous avons le sentiment d'avoir répondu à la demande des Kalash, puisqu'on leur a permis par cette exposition au musée des Confluences d'avoir la considération dont ils sont privés. L'exposition Fête Himalayenne, les derniers Kalash, est à découvrir au musée des Confluences à Lyon jusqu'au 1er décembre. décembre prochain. Et puis on peut découvrir votre histoire dans la bande dessinée Fête Himalayenne, une coédition boîte à bulles, musée des confluences. Jean-Yves Loud, vous avez mangé du fromage chez les Kalash? Ah, terrible. Il y a de toutes sortes de fromages. Il y a un fromage très fort qui reste un an, deux ans, qu'on appelle le Gouinda, où il y a beaucoup de verre et qui brûle la gorge quand on le mange. Fromage de chèvre. Un fromage grouillant de verre. Je ne sais pas si nos invités de la deuxième heure connaissent le Gouinda. Absolument pas. Absolument pas. C'est François Robin qui répond, grand spécialiste pourtant des fromages. On arrive à lui apprendre un truc dès les premières secondes. Vous êtes meilleur ouvrier de France, classe fromagerie. Et vous ne connaissez pas le Gouinda, mais vous en connaissez beaucoup d'autres. Vous allez nous emmener à la découverte des fromages de nos régions. Et puis pour nous accompagner, notre sociologue de l'alimentation attitré, Éric Birloëz. Bonjour à vous également. Bonjour Daniel. On part donc avec vous deux sur les routes des fromages de France. Et d'ailleurs, dans la deuxième heure, à tout de suite.